Bonjour, Catherine Gauthier à l'antenne pour cette nouvelle émission du Grémos. Vous savez que le Grémos se retrouve une fois par mois sur les ondes de Radio Dio, le troisième jeudi de chaque mois, pour vous tenir au courant de son actualité, de ses différentes activités sur le territoire stéphanois. Alors donc, ce qui nous amène à venir discuter avec vous aujourd'hui, c'est la présentation de la Biennale Trace 2016, organisée donc par l'association Trace, qui se déroule du 2 novembre au 9 décembre en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on s'est élargi cette année. Et l'édition 2016 a pour fil directeur la phrase « Vous avez dit crise des migrants ?» figure d'hier et d'aujourd'hui. Donc on reviendra un peu sur ce titre un peu plus tard. Mais je voulais, pour commencer, vous rappeler un petit peu ce que c'est que le Grémos, pour ceux qui n'auraient pas suivi les émissions précédentes et qui ne connaîtraient pas notre groupe. Donc le Grémos, c'est un groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Donc c'est à la fois un groupe pluridisciplinaire qui comprend des géographes, des historiens, des sociologues et des archivistes. Un groupe de chercheurs qui travaillent sur l'histoire sociale du bassin stéphanois et qui sont préoccupés par la faible part accordée à ce versant de notre histoire, notamment par rapport, notamment des recherches qui se font au sein de l'Université de Saint-Étienne, mais aussi donc dans différentes disciplines, comme je l'ai énoncé plus tôt, mais aussi les recherches qui se font au sein des différents équipements de la ville, en particulier les archives municipales qui sont beaucoup investies dans le Grémos. Et puis donc, on pense que cette difficulté à faire l'histoire ouvrière de Saint-Étienne, c'est aussi dû au fait que Saint-Étienne a un petit peu du mal à voudrait sans arrêt tourner la page de la ville noire. Donc on a toujours cette image qui colle à la peau et ce sparadrap dont on voudrait se détacher, un peu comme le capitaine Haddock. Et nous, on dit qu'au contraire, il y aurait encore bien des choses à voir sur et sous ce sparadrap. Donc voilà. Et le troisième aspect, c'est que donc on est une association, mais qui cherche pas spécialement à rassembler des archives et des collections, mais plutôt à les valoriser là où elles sont et à les faire connaître. En même temps, nous constituons nous-mêmes des archives par nos propres travaux respectifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des recherches qui sont personnelles ou qu'on fait en groupe, des publications à travers des articles, des ouvrages. Des participations à d'autres publications, mais aussi des expositions et des séminaires, des émissions de radio grâce à Radio Dio sur la thématique de l'histoire économique et sociale de la région stéphanoise, des interventions à la demande des médiathèques pour présenter nos ouvrages et animer des débats, et à la cinémathèque pour contextualiser et débattre autour de films des fonds de la cinémathèque. On organise aussi des rencontres autour de l'histoire ouvrière. On en a organisé en 2013, 2014, 2015 et il y en a une à venir en 2016. La dernière en date, j'en parle parce que je ne vais pas tout faire la liste, mais c'est en lien avec notre thème d'aujourd'hui, c'est celle de 2015 qui portait sur les immigrés dans les luttes ouvrières de la région et au cours de laquelle on a aussi fait une soirée musicale autour des chants de la lutte qui a fait l'objet de plusieurs illustrations, de plusieurs reprises par Radio Dio. Voilà. Que dire de plus que ces recherches et ces publications sont faciles à trouver dans Opus notamment, à la librairie de Paris, à la librairie L'une et l'Autre qui nous accompagne souvent sur nos événements. Et voilà. Alors, nous sommes là surtout pour parler de cette Biennale Trace, et du coup, pour parler de la Biennale Trace, il nous faut refaire un peu un tour d'horizon de ce que c'est que cette association, qui dans un premier temps a été un réseau, qui a réuni plusieurs acteurs de la région Rhône-Alpes, des personnes et des structures qui œuvrent dans le champ social et culturel de mouvances plutôt militantes et d'institutions publiques à vocation patrimoniale ou artistique, mais aussi des artistes, des chercheurs et des témoins porteurs de cette mémoire migratoire, soit en tant que migrants eux-mêmes, soit en tant que personnes qui ont accompagné ces mouvements migratoires. Donc pour faire un petit peu, retracer un peu l'historique, je vais passer la parole à Benjamin Vanderlick, qui a été le coordinateur de Trace pendant plusieurs années, et qui a été enregistré lors d'un événement de recherche qui a eu lieu l'année dernière, ici même à Saint-Étienne. Et je vous laisse écouter cet extrait. Journée Trace en Rhône-Alpes, Forum régional des mémoires d'immigrés. Rencontre autour de l'actualité de la recherche sur les migrations en Rhône-Alpes et Auvergne, organisée le 13 octobre 2015 à l'espace Foriel, École nationale des mines de Saint-Étienne. Benjamin Van der Lick, du réseau Trace, revient sur les origines du Forum régional des mémoires d'immigrés et évoque l'impulsion première donnée par le bailleur social Aralis, l'association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale. Aralis va développer des projets artistiques mettant en valeur les mémoires des immigrés d'une autre manière. C'est un bailleur social, et en tant que bailleur social, il y a déjà un enjeu lié à son activité. Dans son activité, il se rend compte que dans leur foyer, il peut y avoir des altercations entre vieux immigrés, donc ceux qu'on appelle les Chibani, et les jeunes générations qui peuvent être leurs fils, leurs petits-fils, qui pour beaucoup peuvent être issus donc du même pays donc d'immigration. Et pour autant, il y a une histoire méconnue aussi bien mémoire des anciens par les jeunes, et les anciens non plus, qui ont l'impression que ils ont tout donné aux jeunes et que les jeunes ne foutent rien. Donc il y a des caricatures des deux côtés, des stéréotypes qui marchent très bien. Et pour autant, donc, pour Aralis, il y a déjà cet enjeu de faire en sorte qu'à l'intérieur du foyer, ces différents publics réussissent à se comprendre, se connaître. Mais si justement à l'intérieur d'un foyer déjà il est très difficile entre différentes générations d'hébergés souvent en lien avec l'immigration plus parler, ça veut dire qu'entre des habitants des foyers et la société en général, cette question aussi est à développer, à faire connaître. Donc le recours d'Aralis dans ces années 80-90, début 2000, qui sont à l'initiative aussi de la directrice, extrêmement impliquée, avec un parcours militant au départ. Du militantisme, elle est passée à l'action sociale, et de l'action sociale, elle a progressivement grimpé les échelons pour devenir directrice, mais avec aussi toute une tradition militante, éducation populaire. Et elle se dit, il y a un enjeu donc pour Aralis de poser cette réflexion-là sur la place publique. Après ces étapes fondatrices, à quel moment est-ce que le réseau Trace prend véritablement forme ? Ce lien avec Trace se fait pas longtemps après justement ce positionnement d'Aralis. Ce positionnement d'Aralis, c'est à partir des années 80, on va dire 97, 99, quelque chose comme ça. Et c'est en 99, alors qu'ils ont déjà engagé des productions artistiques, mémorielles, qu'ils décident de se mettre en lien avec un autre acteur social où certains avaient travaillé donc pour cette structure qui est la DAT à Grenoble, qui est encore présent donc actuellement dans le réseau Trace, donc la DAT, association dauphinoise d'accueil des travailleurs étrangers, et également une autre association sur Saint-Étienne, donc Le Grain, ex Le Grain Magique, qui est une association qui est issue de la démarche pour l'égalité. Donc on a ces acteurs qui sont toujours des acteurs associatifs et qui souhaitent justement prolonger ces réflexions mémorielles sur la place de l'immigration dans la société. Et à ces acteurs s'ajoutent aussi donc Peuplement et Immigration, Daniel Pelligret, qui est intervenu ce matin, à ce moment-là, est dans un projet de musée de l'immigration, l'Escale, qui devait voir le jour avant Anvelin. Dans ce mouvement qui navigue entre le social et le culturel, Benjamin Van der Lick explique la volonté de trouver une nouvelle façon de gérer l'accueil des étrangers. Il peut y avoir aussi un double intérêt quand on est un acteur social, c'est que on a aussi une politique sociale qui est en œuvre. Et donc, comment on réinterroge l'accueil, justement, on n'est plus dans la gestion de flux de travailleurs étrangers ou de nouveaux migrants, mais on est sur cette question de qu'est-ce que accueillir les étrangers ici et les accueillir dans la dignité. Les accueillir dans la dignité, aussi à un moment où, justement, dans ces années 90, on a la démolition des foyers dortoirs qui vont donner lieu à des résidences sociales. Pour rappel, les foyers dortoirs, donc, ça va être construit dans les années 50-60 essentiellement. On prend des anciens bâtiments industriels désaffectés ou en voie de désaffectation, on fait un raménagement très sommaire, on met des lits dans des chambres, donc lits superposés où il peut y en avoir une vingtaine par chambre. On va avoir des cuisines collectives, des WC sanitaires, douches collectives. Et le seul objet, on va dire, privatif, individuel qu'a chaque immigré, parce que c'est vraiment du foyer pour travailleurs migrants, ça va être une armoire. Et donc, il y a aussi cette symbolique très forte. Tu es ici, on t'accueille, mais tu n'as quasiment rien d'intime. Donc, ça partait aussi pour un réalisme de cette condition immigrée qui... peut-être plus celle qu'il y a aujourd'hui, mais qui était extrêmement dure, et le besoin de dire il y a un vrai travail à faire pour remettre les immigrés dans la société, réinterroger aussi la politique du logement. Pour Aralis, il y avait une vraie démarche aussi d'acquisition de patrimoine. Comment, à travers des actions qu'on mène, donc, et d'une réflexion qu'on mène sur qu'est-ce que accueillir l'autre, etc., on est justement écouté du côté des pouvoirs publics, qui vont dire « Ah, mais au-delà de la simple gestion que vous proposez, il y a une réflexion, il y a un fond, une humanité, donc, OK, pour gérer ce vieil immeuble. » Donc, ça peut être dans le 6e ou dans le 2e, des choses que peuvent acquérir Aralis, ou qu'ont pu acquérir justement Aralis à ces moments-là, et qui, justement, mettent de la mixité dans des quartiers où, justement, il n'y a pas de mixité. Et justement, ça renverse le principe de qu'est-ce que la mixité, la non-mixité. Il y a des endroits de non-mixité parce que, justement, oui, dans certains quartiers qu'on peut dire de notables ou ex-bourgeois, l'immigré est mal vu, on n'a pas envie de l'avoir ici. En quoi est-ce que les recherches menées sur l'immigration peuvent avoir une influence directe sur les décisions des politiques ou sur le quotidien de ceux qu'on étudie ? Au niveau des recherches sur l'immigration, c'est justement des questions qui se posent lors de ces ateliers. C'est en quoi la recherche aussi peut être orientée par certaines politiques publiques. Et certaines fois, on constate, comme par exemple justement ce matin où on évoque le fait qu'en 2006, il y a la DRAC, la région, qui décide de mettre en place un appel à projet mémoire du XXe siècle dans laquelle ils incluent les mémoires de l'immigration, c'est aussi parce que un an avant, il y a eu le Forum Trace qui a réuni une diversité d'acteurs. Certes, il y a le musée de l'immigration, l'époque Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui était en gestation, le centre du patrimoine arménien qui venait juste d'ouvrir, le RIS, Centre Mémoire et Société à Villeurbanne, qui s'intéresse aussi aux questions de l'immigration, qui était en cours de préfiguration. Donc il y a cette dynamique politique, mais aussi il y a une dynamique des acteurs sociaux, des acteurs culturels qui s'impliquent et qui donnent une certaine légitimité en plus à l'immigration. Donc, il y a aussi bien ce que fait le politique en termes de projets d'établissement municipal, et il y a aussi ce que fait la société civile et qu'elle dépose donc sur la place publique, qui amène justement d'autres acteurs à s'y intéresser, d'autres collectivités à se dire « En effet, ça a un intérêt finalement, on va peut-être ouvrir cette possibilité à différentes associations locales de mener ce genre de démarche. » Donc c'est il y a les deux. D'un côté, il y a ce que peut le politique et ce que veut le terrain. Quel regard les institutions ont-elles porté sur les questions relatives aux mémoires d'immigrés dans les dernières années ? Au milieu des années 2010, donc la fin des années 2000, est marquée justement par la fin de cet acteur qui finançait donc le FAS, qui a donné place, laissé place au FACILD. Du FACILD, dans les mêmes bureaux, après, ont pris place l'accès à l'Agence nationale de la cohésion sociale pour l'égalité des chances. Les financements se sont réduits à peau de chagrin, voire ont quasiment disparu. La question des mémoires d'immigration n'est plus une priorité du côté des politiques urbaines, sociales, d'intégration. La politique d'intégration se limite à de l'aide aux primo-arrivants, alphabétisation, des choses extrêmement basiques. La mémoire fait un peu office de cerise sur le gâteau qui n'est... Qui semblerait dépassé, dont on aurait, semble-t-il, fait le tour pour pour certains à certains moments. Donc il y a cette question-là, et la question aussi d'une politique à partir de la fin des années 2000, où justement on nous parle de concurrence mémorielle, on remet en question toute une diversité de choses autour des questions d'immigration. Ce matin, j'évoquais donc différents discours, que ce soit le discours de Dakar du président Sarkozy, puis celui à Grenoble. On a une France décadente d'une certaine manière, mais suite au discours de Grenoble, il y avait eu Saint-Agnan avec entre la police et des gitans, qui, comme réponse du gouvernement, amène à la destruction des bidonvilles et l'expulsion de Rome vers la Roumanie. Il y a un amalgame entre des personnes sur le territoire français depuis 500 ans et des personnes ici depuis un an, 5 ans, 10 ans pour certains. Donc on a une politique liée à la question migratoire qui est problématique, qui essayait de faire table rase de toutes ces réflexions mémorielles. Voilà, donc beaucoup de choses traitées par Benjamin Vanderlic lors de au cours de cet extrait. Moi, les choses sur lesquelles je voudrais revenir, c'est sur le fait qu'effectivement, Trace, c'est au départ un réseau qui s'est, donc il faut le dire, depuis cet événement-là du 13 octobre 2015, constitué en association. Donc c'est une association proprement dite aujourd'hui, donc qui a son propre portage, quoi. Et qui a un projet politique dans le sens, sur trois axes, je dirais, pour faire vite. C'est le fait de connaître et reconnaître dans toutes leurs composantes les migrations passées et présentes, et en plaçant au centre des préoccupations les enjeux sociaux et politiques contemporains. Le deuxième axe, c'est ancrer les thématiques des migrations dans le domaine culturel, où très en écho avec donc cet appel à mémoire dont parlait Benjamin, porté par la DRAC et la région, où on a la volonté d'articuler le domaine culturel avec des créations, donc des créations artistiques, des actions culturelles et un travail patrimonial, aussi avec des formes de militance en soutien aux migrants, mais aussi avec ce travail de recherche qu'on a évoqué, qui se développe de plus en plus au sein de l'association. Et le troisième axe, qui est bien sûr l'axe le plus connu, je pense, de Trace, c'est celui de travailler à changer les regards et les représentations sur ces migrations et sur les migrations du passé pour mieux comprendre celles d'aujourd'hui. Alors c'est un petit peu dans cet état d'esprit, justement, que cette biennale s'est construite cette année. Et donc, je voudrais revenir donc sur revenir sur l'idée que cette Trace et donc la biennale, encore plus cette année, travaille sur cette articulation en fait entre le passé et le futur, et le présent, pardon. Donc, dans son intitulé, la biennale, le sous-titre, c'est figure d'hier et d'aujourd'hui, et l'idée c'est bien ça, c'est bien de les mettre en parallèle pour les interroger dans les continuités et les ruptures des phénomènes migratoires qu'on peut observer. Alors, juste le temps de me reprendre un petit peu dans mes notes. Il faut souligner aussi le fait que Radio Dio est un partenaire de longue date de Trace, depuis les premières heures de Trace. Et on le voit à travers cet extrait, très souvent, les enregistrements sont faits des différents événements et on a la chance d'être bien, bien relayés sur ces ondes. Donc, je voulais dire que cette biennale de cette année, je voulais établir des liens avec la précédente, avec celle de 2014, qui portait sur la thématique d'accueillir et faire lieu commun dans la région Rhône-Alpes, avec la question donc centrale de l'accueil. L'accueil de toutes les mémoires de l'immigration dans la région, des anciens immigrés, des populations qui sont issues d'immigration, des arrivants actuels dans la région, quel que soit leur mobile, mais aussi les modalités de cet accueil, ses politiques et ses pratiques, ses enjeux, ses conditions et ses conflits, ses seuils et ses frontières. En fait, il s'agissait de parler de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, signifiait le fait d'aborder l'autre dans l'hospitalité, mais aussi dans la méfiance ou encore dans son instrumentalisation. Alors, faire lieu commun, il y avait aussi l'idée que justement l'accueil était situé donc dans des lieux particuliers qui pouvaient être les quartiers d'accueil, mais accueil qui peut être très passif et qui peut être hostile, hein, mais aussi des quartiers qui servaient de lieux de sas d'entrée, de lieux d'intégration, mais aussi les marchés, les cafés ou encore les associations spécialisées dans cet accueil-là. Et à travers ces lieux d'accueil, il s'agissait de parler des pratiques du vivre ensemble. Alors, pourquoi j'ai voulu faire un retour sur cette biennale de 2014 ? Parce que pour nous, ici à Saint-Étienne, ça a été l'occasion de commencer à poser les bases d'un travail commun entre plusieurs acteurs dans la ville et essayer de commencer à faire notre histoire de l'immigration à Saint-Étienne. Et pour ma part, j'avais commencé un travail sur la question des cafés dans les quartiers populaires stéphanois comme lieu d'accueil et de solidarité des migrations, et pour essayer de voir si une mémoire en était faite. Donc il y a eu un travail de recherche qui a été fait à partir de cette question, et puis un travail photographique de Sandrine Binou, et nous avons produit un film dont on reparlera un peu plus tard. Et pour lancer ce travail, on avait organisé lors de la Biennale une journée qui s'est déroulée à la mairie de Saint-Étienne et qu'on avait fait en partenariat avec les archives municipales de Saint-Étienne. Bonjour Cyril. Cyril Langin, directeur des archives, et qui nous rejoint aujourd'hui pour nous parler de ça. Et puis le service Ville d'Art et d'Histoire de Saint-Étienne, qui avait collaboré aussi sur cette organisation de journée de travail, en fait, hein, où on avait réuni plusieurs acteurs qui se posaient aussi à leur manière cette question-là sur le territoire rhône-alpin. Et on avait organisé une soirée aussi à la friterie, autour de la projection d'un film réalisé par le CMTRA de Lyon. Alors on reviendra sur le travail qui s'amorçait à la même époque par les archives municipales et qui a donné lieu à cette magnifique exposition Saint-Étienne cosmopolitaine. Mais avant d'écouter Cyril nous parler de cette exposition et de la façon dont on va en rendre compte dans le cadre de la Biennale, on va faire une petite coupure musicale en écoutant une chanson que j'ai choisie parce que pour moi elle illustre un petit peu justement cette question de l'image et de l'identité du migrant. C'est Rachid Taha qui nous chante « T'es qui toi ?» T'es qui toi, t'es qui moi ? T'es pas qui, t'es pas quoi ? T'es qui toi, t'es qui moi ? Mais toi t'es qui, t'es quoi ? N'oublie pas qu'avant toi, il y en a d'autres que toi. Et qu'après toi, crois-moi, il y en aura, il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi. T'es pas qui, t'es pas quoi. T'es qui toi, t'es qui moi. Mais toi, t'es qui, t'es quoi. Il y en aura de la bavure et des collés au mur. Et dans ce tas d'ordures, y aura-t-il toi, y aura-t-il moi. Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi. Y aura-t-il les langues de bois. Des selles, en tout cas, y en aura. Qui coule, y'en aura pas. T'es qui toi, t'es qui moi. T'es pas qui, t'es pas quoi. T'es qui toi, t'es qui moi. Mais toi, t'es qui, t'es quoi. Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi. Y aura-t-il les langues de bois des ciels. En tout cas, y en aura du sang qui coule, y'en aura pas. Il n'était qu'une fois où ça ne finira. Mais tout ça, c'est entre toi et moi. Si t'es pas toi, si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui toi. T'es qui moi. T'es qui toi. T'es qui toi. toi t'es qui, moi? T'es pas qui, t'es pas quoi? T'es qui, toi t'es qui, moi? Mais toi t'es qui, t'es quoi? N'oublie pas qu'avant toi, y en a d'autres que toi. Et qu'après toi, crois-moi, y en aura, y en aura. Toi mais t'es qui moi si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui, dis-moi si t'es pas toi, si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. Mais t'es qui, t'es qui toi. Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui, dis-moi si t'es pas toi. T'es qui moi. Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui toi. Bonjour Cyril Longin. Donc, bonjour Catherine. Je t'ai demandé de venir avec moi aujourd'hui pour parler de cette Biennale Trace et pour que tu puisses refaire le récit de l'exposition, parce que bon, ça prendra place dans la Biennale, mais je voudrais que tu nous refasses le récit de la genèse et du déroulement de l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine, pour nos auditeurs aujourd'hui. Alors, effectivement, ça a été un projet relativement long à construire. Enfin, ce fut une très belle aventure qui a commencé en février 2014. Donc, ça remonte à plus de 2 ans aujourd'hui, par une rencontre un peu fortuite avec un laboratoire de l'Université Jean Monnet de linguistique qui travaillait sur un projet qui s'appelait Saint-Étienne plurilingue et qui avait pour objectif de faire une photographie des langues parlées à Saint-Étienne aujourd'hui à partir de travaux d'étudiants. En fait, ma première raison de les rencontrer, c'était déjà en tant qu'archiviste de collecter cette mémoire qui était construite au jour le jour, en fait, et comme témoignage de la vitalité linguistique de Saint-Étienne. Et puis, en fait, dans les échanges, on pouvait commencer à trouver des choses intéressantes. Et puis, de fil en aiguille, nous avons rencontré différents acteurs au même moment, en quelques semaines, qui travaillaient sur la question de la langue, des récits migratoires et quand même 3 laboratoires de l'université différents, la sociologie, linguistique, musicologie et puis un autre acteur associatif, Carton Plein, qui travaillait sur les commerces issus de la diversité. Et puis on s'est dit quand même, il y avait sans doute quelque chose à faire de réunir tous ces gens qui ne se connaissaient pas, pour la plupart, et que c'était peut-être le bon moment de réfléchir, de construire quelque chose autour des mémoires des migrations à Saint-Étienne. Et c'est comme ça que le projet est né. C'est construit au fil du temps, donc Catherine en a parlé tout à l'heure, un premier travail au mois de novembre 2014, à l'Hôtel de Ville, qui a permis de rencontrer un certain nombre d'acteurs. Et puis est venue assez vite l'idée d'une exposition aux archives municipales comme point d'appui en fait c'était pas simplement une exposition, on voulait vraiment que ce soit un projet, une saison qui résonne dans différents lieux de la ville avec un projet multi-partenarial puisque évidemment la voix des archives ne suffit pas. Oui, et alors déjà sur le site même des archives, ce qu'on peut quand même appeler une exposition, ça avait une forme un peu particulière. Oui, alors vous avez travaillé à partir de vos fonds propres. Tout à fait. Donc en fait l'exposition elle avait trois grands axes, c'était expliquer comment on pouvait écrire le récit du peuplement de Saint-Étienne, du Saint-Étienne d'aujourd'hui et l'expliquer par son histoire. Donc il y a cette écriture, elle s'écrit à trois mains, la main des archives, donc ce que permettent les archives, donc là on a parlé de l'histoire des différentes vagues de migration à Saint-Étienne, la voix des chercheurs. Donc ça, c'est effectivement une originalité, c'est laisser un espace d'expression à des chercheurs en cours de recherche. Donc c'est une forme de vulgarisation de la recherche, ce qui n'est pas une évidence absolue pour tous les chercheurs. Et en même temps, c'était montré au grand public, c'est comment aujourd'hui des chercheurs travaillent sur le terrain, expliquer le processus, et puis avec quelques éléments des premiers résultats des recherches, écouter des extraits de témoignages, donc faire partie un peu vivante. Et puis le troisième aspect, c'est la voix des habitants, puisque les habitants participent à l'écriture collective. Et donc, par des dépôts d'archives, de témoignages ou par des photographies. Voilà. Donc c'est effectivement une démarche un peu originale qui ne repose pas uniquement sur les archives que nous conservons. Et puis il y avait aussi une incitation à dépôt d'archives autour de projets singuliers du milieu associatif. Voilà, notamment. L'idée c'est qu'effectivement les habitants écrivent leur propre histoire, et donc nous savions qu'il y avait eu quelques projets depuis quelques années issus du monde associatif, hein, dans les maisons de quartier ou autres, autour des mémoires des migrations. Nous en conservions quelques traces dans les archives, mais relativement peu, et nous avons créé cette bibliothèque des projets qui visait en fait à collecter la mémoire de ces projets pour en laisser trace dans les archives, ça constitue aussi l'histoire de demain. Alors justement, dans le cadre de la Biennale, ces différents projets que vous avez rendus visibles au cours de l'exposition et au cours de la saison dont tu nous parlais, donc en fait la saison c'était un peu le fait par le biais des archives municipales de mettre en lumière les événements qui étaient issus des productions des chercheurs dont tu parlais, des recherches en cours visibilisées dans l'exposition, ou d'autres projets socioculturels qui se passaient en amont, comme si, donc de les rendre visibles dans la ville et de faire le lien entre eux. Autour notamment de la publication d'un petit bulletin trimestriel. Voilà, rapidement est venue l'idée quand même de proposer un petit trimestriel des différentes propositions qui étaient faites par les services de la ville, alors archives municipales, ville d'art et d'histoire, cinémathèque, mais aussi par d'autres acteurs qui soient partenaires directs de l'exposition ou de gens dont les sujets étaient proches. Voilà. Donc nous avons publié un trimestriel, donc 4 numéros en tout, qui a permis de donner une cohérence et aussi une visibilité sur l'ensemble du territoire. Et je dois dire que je pense que cet outil a été extrêmement apprécié par les partenaires, parce que on avait l'impression qu'il y avait une véritable dynamique. Et en fait, ça a permis de faire rencontrer des gens, de gagner aussi peut-être en fréquentation. C'est aussi un des objectifs, mais pas seulement. C'était que les gens se rencontrent et puissent créer d'autres projets au-delà de certaines cosmopolitaines. Oui, donc ça a créé une cohésion, en fait, entre une certaine cohérence même de la réflexion en cours sur cette question de l'histoire et la mémoire de l'immigration dans la région stéphanoise, parce que ça débordait un peu le cadre stéphanois en plus. Et en même temps, ça a créé une forme d'émulation entre les différents intervenants, et ça a vraiment soutenu, porter les porteurs de projets. Je peux en témoigner parce que j'étais moi-même porteur de projet et avec un travail qui était rendu visible dans l'exposition avec le travail que je faisais sur les cafés, donc le film Sociologie de comptoir. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ces différents projets vont être rendus visibles dans la Biennale, puisque on va avoir au musée de la mine deux événements qui vont avoir lieu. Donc déjà vous dire que le programme Trace est en ligne, hein. Donc vous pourrez le consulter, vous tapez Trace, ça y est j'ai oublié, je vais vous dire ça tout de suite, trace-migration.org, et donc là vous pourrez télécharger le programme, et vous verrez que dans la Loire, que ce soit au musée de la mine, aux ateliers des Charons, à la Cinémathèque, encore aux ateliers des Charons, à l'université Jean Monnet, plusieurs événements qui ont lieu, et également au Chambon-Feugerolles, au centre social créatif et à la salle Vacheron, autour du film Sociologie de comptoir et des photographies de Sandrine Binou. Et donc, une journée qui aura lieu le 4 novembre à Saint-Étienne, organisée par les archives municipales, et qui se déroule à la Cinémathèque. Alors, est-ce qu'on peut prendre encore quelques minutes, Cyril, pour parler de cette journée-là ? Oui, alors, en fait, on va dire vers la fin du projet, plutôt au printemps 2016. Bon, après discussion avec différents partenaires, est venue assez rapidement l'idée ou l'envie et le besoin de réfléchir finalement à un bilan, que les gens puissent se rencontrer. Puisqu'ils étaient présents, réunis au sein d'un programme, mais finalement, pour la plupart, ne se sont pas vus. Et c'était peut-être de voir, réfléchir ensemble à cette dynamique, la manière dont elles vivaient, et surtout comment elles pouvaient demeurer après l'exposition, puisque l'exposition est désormais terminée depuis le 30 septembre. Et c'est pour ça que nous avons souhaité proposer une journée, on va dire bilan et perspective, retour sur un projet territorial, une dynamique territoriale, donc avec le matin des interventions de partenaires pour réfléchir à leur bilan, mais pas ce qui nous intéresse, ça nous intéresse pas en fait le bilan, bilan comptable, c'est pas c'est un élément, mais c'est un élément parmi tant d'autres, mais oui, c'est plus de se voir ce que ça a généré, voilà, en fait, ce que ça a généré autour et peut-être ce que ça peut générer après. Et puis nous bénéficierons aussi d'un regard un peu distancié d'Hélène Berthelot, qui est professeure en sociologie à l'université de Tours, qui est une des spécialistes des questions des mémoires d'émigration dans le milieu urbain, mais pas seulement, et qui viendra nous donner son avis sur le projet, mais aussi peut-être prendre un peu de hauteur sur la dynamique nationale, en tout cas sur le contexte national autour de ces questions. Et puis l'après-midi, c'est un peu plus récréatif, entre guillemets, pour une partie toujours à la Cinémathèque municipale. Donc il y a plusieurs projections de films qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Et parallèlement, on pourra visiter le quartier de Beaubrun-Tarentaise avec l'aide de l'association Vivre à Beaubrun-Tarentaise. Donc les habitants vont faire visiter leur propre quartier avec leur vision. Voilà. Ouais, voilà. C'était vraiment aussi l'idée de cette saison, c'est-à-dire que tant l'exposition que les différentes choses qui ont pu se dérouler autour, les projets que vous avez mis en lumière aussi, c'est des moments et des espaces dans lesquels on a essayé vraiment de donner la parole aux habitants de Saint-Étienne, qu'ils soient issus d'immigration ou qu'ils soient, comme je le disais tout à l'heure, dans des associations, des équipements, et qui s'intéressaient à cette question-là. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas du tout pour passer de la pommade, c'est parce que c'est vrai, mais c'est une exposition qui a extrêmement bien marché. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de visites, et vous avez été très sollicité par les écoles, notamment, pour faire, le musée de la mine de Saint-Étienne aussi, d'ailleurs, pour faire des ateliers autour de cette question-là. Oui, alors c'est toujours le cas autour de nos expositions, on propose des ateliers spécifiques hein, autour de notre programmation, donc nous avons mené un certain nombre de projets spécifiques, il y a 6 ou 7 écoles qui ont travaillé avec nous tout au long de l'année, alors qui sont venues aux archives, visiter l'exposition, proposer des ateliers, et puis souvent on poursuivit leur réflexion en classe par des, on va dire, un résultat souvent un peu artistique, ça peut être une mission de radio, ça peut être une BD, etc. Et c'est vrai que ça a vraiment du sens. Une des originalités effectivement de l'exposition aussi, c'est l'immense demande, vraiment la première fois, de visite de guidés, mais de groupes d'adultes. Et ça a vraiment renouvelé notre public et touché un public souvent évidemment éloigné des milieux culturels, mais pas seulement, puisque ça allait des centres d'alphabétisation au Rotary, vous voyez, donc ah oui. C'était vraiment un panel extrêmement large, comme quoi c'est un sujet qui touche absolument tout le monde et qui interroge tout le monde. Oui, et puis on pourrait dire que tous les milieux sociaux de Saint-Étienne aujourd'hui sont issus de l'immigration, d'une forme d'immigration, oui, ou d'une autre. Alors nous, on parlait de migration. C'était tout à fait volontaire, puisque c'est aussi une des particularités de la ville de Saint-Étienne, c'est que les premiers habitants venus de l'extérieur venaient de relativement près, donc c'est notamment de la Haute-Loire. Et là, on parlait plutôt de migration, voilà, d'un département à un autre. Et c'est vrai que souvent on dit ça à Saint-Étienne, tout le monde vient de la Haute-Loire. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Donc, beaucoup de gens sont issus de la Haute-Loire, qui ont des résidences secondaires, leur famille, leurs grands-parents, etc., venant de la Haute-Loire ou d'autres départements proches. Alors, on va écouter maintenant l'extrait d'un film qui a été réalisé au lycée Jacob-Holzer à Firminy, avec un professeur d'histoire géo qui s'appelle Louis Brun et qui a eu des classes, une classe de terminale S, ou première S plutôt, et qui a voulu réaliser un travail sur des parcours d'immigration. Donc ils ont travaillé avec les archives, ils ont fait un gros travail en amont, et puis ils m'ont sollicité pour faire des interviews, des entretiens auprès de migrants, et ils ont fait un film qui sera projeté donc le 4 novembre après-midi et qui retrace donc ces différents portraits de migrants. Donc on écoute quelques minutes de ce film. Mon père, j'ai été obligée de plier, il m'est venu, il avait dans les 20 ans, et là, quand ils arrivaient comme ça, les jeunes, il y avait des baraquements, on les mettait dans les baraquements, ils avaient une table, des chaises, un lit, et il y avait une cantine polonaise, Ils mangeaient à la cantine à midi. Et le soir, ils se débrouillaient, voilà. Et là, comme il était jeune, il a cherché à se marier. Il a trouvé ma mère au comble. Et ils se sont mariés tous les deux, voilà. Alors, bien avant la guerre de 14-18, que mes parents, mes grands-parents, sont déjà immigrés de Pologne en Allemagne. Après la guerre 14-18, quand la France a eu besoin des mineurs, ils ont demandé des ouvriers polonais. Alors, ils leur ont préparé même des trains, des wagons spéciaux, des wagons de marchandises, où beaucoup, même des Polonais, ont emmené leurs meubles. Parce qu'ils étaient venus en France sous contrat. Moi, personnellement même, j'ai une horloge, mais qui était achetée déjà en Allemagne. Parce que mes grands-parents, ils étaient déjà en Allemagne. Mon père, quand il est venu en France, il avait à peu près 19 ans, il est venu avec un oncle et une tante. Ma mère, elle est venue avec ses parents et un frère. Ils sont venus à Roche-la-Molière, et là, ils ont fait connaissance, ils sont mariés, et moi, je suis né en France. Ils étaient groupés dans des cités où on a même construit spécialement. C'était des maisons, on peut dire des baraquements, mais c'était une maison où il y avait 5 appartements. Et la cité du Bourgeat, où j'ai vécu, c'est tout de suite à côté de la cité de Beaulieu. Aujourd'hui, c'est tout détruit. C'est tout Derrière, il y avait une sorte de maison construite en planche. Et là, il y a eu beaucoup de réunions de société. Parce que les Polonais, comme ils étaient groupés, ils ont fait leur association. Mais il y en avait plusieurs. Il y avait une société de musique, de la gymnastique, des femmes, c'était le rosaire, des femmes polonaises, des sociétés comme ça. Et il y avait un bâtiment où ce qu'ils ont fait, un peu comme une salle de spectacle. En bout, de l'autre côté, il y avait une petite cantine où on donnait des repas, surtout pour les célibataires. Et puis ce qu'il y a, quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas le français, mais comme il y avait beaucoup de Polonais qui arrivaient, alors ils les mettaient ensemble. Alors chaque mineur avait une petite maison. Alors moi j'habitais dans la rangée où il y avait 30 maisons. Il y avait 3 pièces et un grand jardin et un WC dans le jardin. Et on n'avait pas d'eau, on allait à la fontaine. Ah ben la fontaine c'était une bonne chose. Ah, ça, c'était les dames avec leurs petits seaux. Et tcha tcha tcha, et tcha tcha tcha, et tes petits vont bien, et ton mari, ça va. Ah, c'était la causette. Et il n'y avait rien avant. Ils ont resté dans une coquille, avec la cité. Ils étaient plus en Pologne qu'en France. Parce que c'était groupé. Et peut-être c'est ça qui a fait un peu que continuait à être polonais et il apprenait pas tellement le français. C'est comme pour les mamans. Elles parlaient pas un mot de français. Elles allaient pas au marché ni au casino. C'est les marchands. Ils passaient autour de la cité. Alors il y avait le boulanger polonais, le boucher polonais, le charcutier polonais, les légumes aussi. Alors les grand-mères, elles avaient pas de problème parce que tous les marchands parlaient polonais. Dans les maisons, on parlait en polonais. Bien sûr, à l'école, on parlait français, c'est normal. Hein. Il y a que celles qui allaient à l'école polonaise. À l'école, j'ai eu des problèmes. Parce que on apprenait le français, mes parents ne parlaient pas encore. Puis progressivement, ils ont appris par la suite. Alors, ils ne m'ont pas bien aidé. Et à l'école, je n'ai pas été beaucoup. Et là, après, à 9 ans, j'étais dans la classe polonaise. Mais il y avait 4 heures d'école en français et l'après-midi, c'était polonais. Alors j'apprenais les deux langues en même temps. On avait une maîtresse française, on avait une maîtresse polonaise. Le prêtre, il était logé par la mine, la maîtresse était logée par la mine. La mine était généreuse à cette époque. Voilà, alors c'est un très beau projet que je vous conseille d'aller voir à travers différents modes de valorisation sur le site du lycée Jacob Holzer, donc qui s'appelle lecafuron.org. Et vous aurez vraiment l'occasion de voir plein de petites choses sur ce site internet. Alors, je voudrais qu'on accueille parmi nous Philippe Anus. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, qui est avec nous au téléphone depuis Chambéry, c'est ça ? Depuis Chambéry. Donc, Philippe est le nouveau coordinateur de Trace. Et avant de te laisser la parole, Philippe, excuse-moi, mais je vais devoir libérer Cyril, qui a beaucoup de choses à faire et qui doit nous dire encore quelques petites choses sur l'organisation de la journée du 4 novembre à Saint-Étienne et les modes d'inscription, c'est ça ? Oui, donc l'entrée est libre et bien entendu. Donc ça se déroule à la Cinémathèque de Saint-Étienne, un petit accueil café à 8h30, ça commence vraiment à 9h jusqu'à 12h30. Donc c'est il faut s'inscrire parce que la salle est limitée à 100 personnes. Donc le programme est téléchargé sur notre site internet, Archives municipales de Saint-Étienne. Et puis également, il y a un repas qui est prévu à la maison de quartier du Babé. L'entrée est également libre, mais il faut s'inscrire pour qu'on puisse prévoir en conséquence. Voilà. Avant de repartir l'après-midi, donc, sur les balades urbaines et les projections à la Cinémathèque. Alors, il y avait aussi quelque chose qu'on voulait dire. Philippe, tu pourras être témoin de ça. C'est je voulais remercier fortement Cyril et les archives municipales pour le travail qu'ils font et l'appui qu'ils donnent à l'association Trace. Et c'est précieux parce que justement dans la Loire, on a assez peu d'associations et de porteurs de projets qui se rapprochent de nous et qui prennent un peu cette question à bras-le-corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'ils sont peut-être aussi très, très accaparés par leurs activités. Je crois que tu ne me contrediras pas, Cyril. Non, effectivement. Alors, nous, c'était une très, très, très belle aventure. Maintenant, nous avons vocation à traiter plein d'autres sujets. Donc, oui, bien sûr. Donc, effectivement, ça ne rentre pas totalement dans nos missions d'être le service ressources et en tout cas porteur. Mais il est évident qu'on a bien le sentiment que ce projet a été un des premiers réels projets à... porté par une institution publique à traiter des mémoires des migrations et de façon aussi complète. Voilà. C'était plutôt sinon l'apanage entre guillemets de la société civile et on sent qu'aujourd'hui il y a l'envie, il y a le besoin, mais il manque encore quelques structures porteuses qui puissent porter un peu trace. Bon, ben en tout cas merci beaucoup Cyril. Merci. Et donc au 4 novembre. Alors Philippe, peut-être qu'on pourrait revenir ensemble déjà sur l'argumentaire qui est celui de cette Biennale 2016. Oui, eh bien, on a essayé, l'explicite le sous-titre de la Biennale, Trace, Histoire, Mémoire au pluriel et Actualité du fait migratoire, de pas simplement interroger ce qui est un petit peu le fonds de commerce, entre guillemets, de l'association Trace, c'est-à-dire les mémoires des... occultés, mémoires blessées, mémoires oubliées des sans-voix de l'histoire que sont les immigrés, mais de s'ouvrir aussi aux questionnements contemporains. On ne peut pas ne pas être sensible à ce qui se diffuse comme discours, comme rhétorique dans l'espace public concernant les questions migratoires. Et c'est vrai que depuis quelques temps déjà, ça avait commencé tout doucement avec ce qu'on a appelé entre guillemets le printemps arabe. Mais depuis la guerre civile en Syrie, puis d'autres conflits récurrents dans le Moyen-Orient, ce que maintenant on appelle dans l'espace public crise des migrants ou crise migratoire, nous interpelle. Et c'est cette formule qui relève du prêt-à-penser nous a semblé une muse intéressante pour nous, membres de l'association Trace, pour réfléchir à la manière dont cette thématique du fait migratoire, qui est une thématique importante de notre monde globalisé, résonne à la fois dans nos affects et dans notre intellect, et on s'en est emparé. Et par contre, on a essayé de la déconstruire. D'où, effectivement, le titre de la Biennale, sous forme un petit peu de questions ouvertes. Vous avez dit, hein, crise entre crochets, des migrants. Et puis avec, évidemment, en toile de fond, figure, hein, donc sous-entendu les visages de celles et ceux qui ont effectivement fait l'expérience migratoire d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, un peu pour le, je dirais la base de la Biennale et un petit peu l'argumentaire qui fut le nôtre lorsqu'on s'est réunis pour interroger cette thématique-là. Oui, donc en fait, il y a l'idée que... moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, déjà, avant, le Trace s'inscrivait un peu en faux par rapport à cette idée de poser la question migratoire comme un problème. Hein. On parlait du problème de l'immigration. Depuis quelques années, on parle de crise des migrants. Donc, il y a une inflation, en fait, de la négation, de la négativité, je dirais, du phénomène. Et donc, il y a, comme je le disais tout à l'heure, avant que tu nous rejoignes, il y a aussi l'idée de travailler vraiment sur la question des représentations et des préjugés. Il me semble aussi qu'il y avait l'envie de questionner cette hiérarchisation qu'on a tendance à faire en ce moment sur les catégories de migrants. Et donc, on a tendance à vouloir faire, ça a toujours été le cas, hein, mais on voit encore aujourd'hui comment c'est véhiculé par les discours, entre les bons et les mauvais migrants, les bons migrants étant les réfugiés qui cherchent à survivre dans toutes ces conflits et ces traversées impossibles, et puis les autres qui seraient les migrants économiques et qui viendraient un peu abuser des systèmes des pays riches, quoi. Et donc, dans la volonté de confronter les images d'hier et d'aujourd'hui et des profils très diversifiés, et en donnant la parole aux individus eux-mêmes, en donnant corps à des visages, etc., il y a beaucoup de choses autour de l'image notamment, il y a cette idée-là de vouloir un peu déconstruire ces catégories et ces hiérarchisations. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Évidemment, oui, bien sûr. C'était, je crois, l'enjeu à tous les niveaux de notre réflexion. C'était d'une part, peut-être, interroger la fabrique des images. On est dans un monde saturé d'images, qui joue sur la fibre sentimentale, sur les affects, sur les émotions. Et pour nous, c'était important de dire qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces images. Qu'est-ce qu'elle, hein, l'image d'un enfant mort sur une plage, l'image de masse populeuse entassée dans un navire, l'image de supposés clandestins franchissant la nuit les lignes frontières, etc. Donc, interroger les représentations. Et puis aussi, le vocabulaire, et comme tu viens de le rappeler, je crois que concernant les sujets de société, les sujets politiques, le vocabulaire n'est jamais neutre. Et par exemple, rien que le vocable clandestin, il semble très important de le questionner. Par exemple, ce qu'avait bien montré Éric Fassin, c'est-à-dire que le mot clandestin, par exemple, en contexte de guerre, simplement pendant la Seconde Guerre mondiale, celui qui rentre en clandestinité, c'est le réfractaire, le futur résistant. Et dans l'espace démocratique, le clandestin, c'est celui qui triche, qui transgresse. Et on voit très bien que dès qu'on rajoute ce mot clandestin à celui de migrant, on a là quelqu'un qui ne respecte pas les règles de l'état de droit. Mmh. Et d'emblée, pour nous, c'était important d'interroger le vocabulaire, les phrases, la doxa, et c'est pour ça qu'on a choisi délibérément aussi un outil visuel qui soit pas une image, hein, ce qui avait été le cas les années précédentes où on avait des petites figurines ou des personnages un peu stéréotypés ou des photographies de Shibani par exemple. Cette année, on a dit on travaille sur une phrase. Et cette phrase, on la donne en discussion pour interpeller peut-être le visiteur, pas simplement à travers ses affects, mais aussi à travers son intellect. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de la programmation de cette année? Oui, alors elle est extrêmement diverse, variée. Alors, d'abord, c'est une grande première pour Trace, puisqu'on travaille maintenant à l'échelle d'une nouvelle région et qu'on franchit certaines nouvelles frontières, en particulier celle du Massif Central. Bon, bien que Saint-Étienne soit déjà aux portes du Massif Central, mais on va vraiment maintenant travailler pour la première fois en Auvergne, avec la ville de Clermont-Ferrand, et ça c'est un rendez-vous important pour nous. Oui, c'est la maison de quartier de Champpratel qui organise une rencontre avec Bruno Bougelal, la projection d'un film et évidemment avec un échange entre le photographe et le public. Voilà, alors c'est déjà ça, une aire géographique démesurée. Hein, on va de Clermont-Ferrand jusqu'à Annemasse, donc on couvre l'intégralité du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et environ 80 événements, hein, c'est quelque chose d'assez considérable. Alors ces événements, ils sont de nature très diverse. Hein, des formes théâtrales, de la poésie, il y a de la projection de films documentaires, mais aussi des films d'auteurs, hein, ou des films de fiction, pourrait-on dire. Il y a des colloques ou des conférences. Il y a également des randos mémoires sur des sites, sur des lieux. Il y a des colloques, on va dire, de type universitaire, donc des rendez-vous avec une valeur ajoutée intellectuelle, académique. Bon, Philippe, excuse-moi, je te coupe, mais il nous reste très peu de temps. Est-ce que justement on pourrait parler de la journée régionale Trace, du colloque qu'on organise le 10 novembre ? Donc celle-ci, elle se déroulera à la mairie du 1er à Lyon. Effectivement, pour nous, c'est probablement, je dis nous, les forces vives de l'association Trace. C'est un rendez-vous très important. On va rassembler... comment l'a pensé avec Abdelatif Chaouit et Marina Choliac, faire dialoguer des artistes, des producteurs d'images ou des artistes qui déconstruisent les images, des documentaristes, des photographes, avec le monde de la recherche scientifique en sciences sociales. Et pour ce faire, on a invité donc une bédéiste, Colline Picot, qui vient de Grenoble, qui a fait un travail de longue haleine, hein, sur les différentes catégories d'immigrés dans le quartier Trècloître en particulier, mais plus largement sur la ville de Grenoble. On aura également Marie Von Arnaud, qui est photographe, hein, qui avait travaillé, elle participe au collectif Laboratoire à Grenoble, et elle interroge les représentations du migrant. On aura différents chercheurs, hein, donc Antoine Aignon, qui est un sociologue bien connu du Centre de sociologie de l'innovation à l'École des Mines à Paris, qui s'est beaucoup impliqué ces derniers temps dans un collectif mi-artistique, mi-scientifique, qui s'appelle Réinventons Calais. Hein, il s'agit de réfléchir autrement, justement, que sous l'angle de la seule vision pleine de pathos que nous proposent les grands médias. Oui. Il y aura un historien témoin, Mino Faïta, une anthropologue du laïc à Paris, Véronique Moulinier, qui elle est spécialiste des images passées, hein, des mouvements migratoires, en particulier de la retirada. Donc, juste pour rappeler, entre 450 000 et 500 000 réfugiés espagnols qui franchissent la barrière des Pyrénées en quelques jours, en février 1939, et en quoi ça résonne avec notre actualité. Donc elle nous parlera de ça. On aura également Cristina Del Biagio, qui vient de l'université de Genève et qui a fait une espèce de road movie qui nous permet de comprendre l'itinéraire d'un candidat au passage de l'Irak en travers les Balkans jusqu'à notre territoire. Benjamin van der Lick, qui a été la cheville ouvrière de Trace de longues années durant, puis à qui je tiens à rendre un petit hommage, et qui viendra nous présenter son travail de photographe et d'ethnologue réalisé au cours de l'été 2015 à la frontière franco-italienne entre Modane et Bardonecchia, etc., etc. Donc c'est un moment important où on va essayer de croiser les regards, voilà, autour des représentations du phénomène migratoire hier et aujourd'hui. Alors je pense que Philippe, on va rappeler le site internet de Trace, donc trace au pluriel -migration au pluriel .org, où vous trouverez tous les détails du programme que vous pourrez télécharger. Il y a aussi la revue Écart d'identité qui va se relancer sous des formes un peu différentes et qui va nous en rendre compte au cours de cette biennale. Ça sera un événement important pour la revue. Et puis, j'ai perdu ce que je voulais dire. Il nous reste très peu de temps. Si tu vois quelque chose à ajouter, Philippe, profites-en. Non, mais dire qu'on recherche aussi des bénévoles pour la suite, parce que Trace, c'est une biennale, mais ce sont aussi des actions culturelles, des débats d'idées à l'année longue dans les différentes villes de la région Rhône-Alpes, et qu'on souhaiterait aussi pouvoir bénéficier de l'enthousiasme, du savoir, de la créativité des jeunes femmes et des jeunes gens qui auront envie de nous rejoindre. La porte est ouverte. Voilà, et c'était ce que j'ai cherché à dire précisément, parce que justement, dans la Loire en particulier, comme on est sur une antenne ligérienne, dans la Loire en particulier, on a des besoins énormes, et nous savons qu'il y a beaucoup de ressources et beaucoup d'acteurs qui pourraient prendre une part importante dans cette association. Donc, appel au bon volonté.